mi corazón. Te lo dije bien clarito. San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Guémozo. On se retrouve pour un nouveau numéro de 90 minutes pour Boomerang, le premier de l'été 2018. Et l'équipe au complet aujourd'hui, Magali est présente. Oui. Bonjour à tous. On te salue. Bonjour à tous. Oui. Bonjour à toi, Jean-Baptiste. Merci. Salut Félicie. Salut à tout le monde. Et l'ami Dominique. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, chers auditeurs. Salut Segundino. Fidèle au poste, Segundino. Ben ouais. Lunettes noires, casquette. Le Bono. Look. Pardon ? Bono lui-même a déclaré qu'il fallait se méfier des hommes qui portent des lunettes de soleil. Ah, bah alors. Il était mal loti parce qu'il en portait lui aussi. Oui, mais on le connaît quand même, ouais. Depuis ouais. Le temps. Et puis l'ami Pascal à la technique, à l'animation avec moi-même. Oui. Salut à toi, Pascal. Salut tout le monde. Chers auditeurs, bonjour. Eh bien voilà, vous connaissez le principe de l'émission, ça fait quand même quelques années qu'on entend cette émission, qu'on la présente sous différentes formes, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, hein. Vous êtes fidèle, moi j'ai décroché pendant quelques années, mais vous êtes là en poste, en place, moi, depuis 12 ans même. Moi depuis 2008, ça fait 10 ans. Voilà, donc on connaissait le principe, on débat de sujets divers et variés, il y a des coups de gueule, il y a des coups de cœur, il y a des emportés de conversations et d'échanges. Passionné, ouais. C'est ce qui fait le piment de cette émission. Et justement, on va ouvrir le bal avec l'ami Magali qui n'était pas là il y a deux semaines et qui va ouvrir le bal, oui. Cette fois-là en parlant des grèves de la SNCF et plus communément, plus généralement, de la crise du transport ferroviaire, oui. En France. Depuis le 3 avril, la SNCF est en grève. Ça fait déjà un bon moment. Alors moi, je dis, mais que pensez-vous de la grève des trains du 6 et du 7 juillet. Ils choisissent la bonne date, c'est quand c'est les départs en vacances, pour énerver bien tout le monde. Alors, il faut peut-être préciser qu'au départ, le calendrier de ces grèves perlées, oui. Qui avaient démarré en avril, donc on en est environ à 37 jours, avait été prévu jusqu'au 28 juin, oui. De cette année. Mmh. Et là, apparemment, Sudrail, la CFDT, fait comprendre, puisqu'il y a, oui. Quand même une chute des grévistes, oui. En pourcentage, il y a un essoufflement, 9%. Parce que bon, ça, il y a un coût quand même aussi sur le salaire et, oui. Sur les jours de grève. Oui. Macron ne lâche rien, de toute façon, sa réforme, il l'a fait passer en force. Mm-hmm. Donc là, voilà, c'est ce que tu annonces, pour le que 6, nos auditeurs comprennent bien, s'ils n'ont pas tous suivi toute, oui. L'histoire. Il y a des prolongations de la CFDT, oui. Sudrail, déjà qui commencent, bon, il y a déjà demain, je crois, aujourd'hui, demain, et le 6 et le 7 juillet prochain. Oui, pour embêter tout le monde, quand c'est les vacances. Alors pour moi, ce qui m'a énervé le plus, c'est tu veux prendre le train, bon, t'en as peut-être un qui t'emmène jusqu'au point de départ, mais tu sais pas si tu peux rentrer. Il n'y a peut-être plus de train en revenant. Après, ce qui m'a dérangé, c'est les lycéens quand ils veulent passer le bac. Il n'y a pas de train. Maman, peux-tu m'emmener? Il y a 1h30 de route parce que je suis interne, il n'y a pas de train. Alors ça embête tout le monde. Les travailleurs aussi. Le patron, bien compréhensif, veut bien que 2-3 fois que tu arrives en retard, mais après... Faut que tu sois là à l'heure, débrouille-toi, prends ta voiture, par tes propres moyens. Mais bon, ce qui est embêtant, c'est que eux, ils embêtent tout le monde, mais ils pensent peut-être pas aux autres. Eux, ils veulent leur petit confort. Et puis ceux qui sont derrière, débrouillez-vous. Alors moi, je voulais savoir si vous prenez le train, si ça vous embête, si vous aimez bien, ou si vous en fichez. Alors déjà, toi, est-ce que tu prends le train? Même le TER, le train régional? Je le prends quasiment jamais, mais bon, je pense aux autres qui prennent le train. D'accord, ok. Segundino, première réaction. Moi, je le prends régulièrement et voilà, j'ai peur maintenant de me retrouver à Nancy sans retour. Donc tu prends sur des lignes régionales ou sur des lignes nationales? Régionales. Puis j'ai un coup de gueule aussi à dire, c'est par rapport aux cartes de réduction. Oui. Mmh. Alors les cartes de réduction, avant, elles étaient les bénéficiaires, il y avait les handicapés. il y avait les RSA, et ça réduisait de 50% le tarif. Mmh. Donc, tout le monde s'entendait bien comme ça. Un jour, il y en a un qui me dit, qui me voyait souvent aller à Épinal ou Nancy, il me dit, ouais, ça va bientôt changer, hein, ça va être... les cartes là, elles sont faites pour aller voir les patrons, pour chercher du boulot. Le mec, il se met à dire des maisonnions. Il commence par semer des maisonnions. Ça ne m'a pas plu, à cause d'un petit quiproquo où il avait tort. Ouais. Et, comment dire, effectivement, peu de temps après, est arrivé, je demande un formulaire pour renvoyer, pour obtenir une autre carte de réduction, ça s'appelle la carte, je ne sais même plus, carte... Lorraine Plus. Peu importe, carte de réduction. Carte de réduction, oui. Et il ne me la faisait plus. C'est-à-dire que... la seule carte que j'ai droit, c'est une carte qui coûte 30 euros et elle réduit de 30% le... Et t'as pas été prévenu par les médias, enfin, il n'y a pas si, eu si. Un... Voilà. Si, si, eux ils le disaient... Donc tu le savais quand même. Je le savais, mais le truc, c'est que je dis, c'est dégueulasse de faire ça. Mm-hmm. Moi, je suis handicapé, je considère comme handicapé. Donc du coup, tu payes plus. Et je paye, il n'y a que les RSA qui ont droit ou vraiment à la carte. Et ils ne t'ont pas proposé d'autres, en tout cas, solutions mettre de leur réduction. Plus, voilà, c'est la carte, mettre leur plus, voilà. Ouais, ah, ça s'appelle oui. Mettre leur plus. Ouais. Et j'y ai plus droit. Donc j'ai acheté une carte à 30 euros, mais avec les grèves, est-ce qu'elle sera amortie? Elle sera peut-être amortie dans je ne sais pas combien de temps, pour l'hiver je me vois mal me trimballer, c'est des coûts à ce que j'ai payé pour non, rien. Non, c'est quoi. Sûr. C'est n'importe quoi. Et plus généralement, par rapport à ce que Magali évoque, quelle est ton opinion sur les grèves en France, concernant le transport ferroviaire, par rapport à la réforme mise en place par le gouvernement Macron? Je voulais aller me détendre de 3 jours à Paris, passer là-bas, faire un tour de shopping, je ne sais pas, passer un week-end là-bas. Je n'ose pas y aller, de peur de ne pas avoir de train pour leur tour. Ouais. Alors il faut savoir que c'est un principe un peu différent des grèves qu'il y a pu avoir, c'est le système des grèves perlées, c'est-à-dire on met 2 jours par semaine qui peuvent changer d'une semaine à l'autre. Normalement il y a un calendrier des grèves, donc on sait un peu à l'avance les 2 jours qui sont bloqués, sachant que la veille du premier jour de grève, il y a déjà des trains qui sont bloqués, et le lendemain des 2 jours de grève, donc le 4e jour, il y a aussi encore des perturbations. Donc en fait ça englobe des fois quand même 4 jours, avec dont les 2 jours de grève pleine. Là, il y a quand même une chute, on peut dire, considérable quand même du pourcentage de grévistes concernant tous les syndicats, parce que bon, il y a un essoufflement aussi, parce que de toute façon, Macron lâche rien. Donc, d'une manière plus commune, vous pensez qu'on va vers où pour la rentrée? Est-ce que ça va s'étendre aussi en août, en septembre? Est-ce qu'il y aura quand même des solutions qui seront faites au bout du compte, ou il lâchera rien? Pascal. Moi, je pense qu'il lâchera rien, sinon il aurait déjà commencé à dire quelque chose. Par contre, au niveau des grèves, il parle déjà de continuer pendant les vacances. Oui. Ben là, déjà, juillet, ça démarre. Hein. Mm-hmm. Mais pas pour tout le monde. Mais il suffit. Mais ce qu'il y a aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore plus de 30% de grévistes chez les conducteurs. Donc ça, c'est énorme encore. Ça a chuté, on était à 40-45%, on n'est plus qu'à 30%, mais c'est quand même énorme, parce que 30% de moins de conducteurs, et bien évidemment, les trains ne roulent pas tout seuls. Moi, ce que je vois, c'est que les temps ont changé. Avant, c'était le peuple qui défiait le président, et aujourd'hui, c'est le président qui défie le peuple. Oui, on est dans une démocratie divisée. On est d'accord. C'est pas une histoire de division, c'est une histoire où... Si, moi, je dis une démocratie déguisée un peu. Ah, déguisée, oui. Déguisée, voilà, c'est-à-dire il passe par le vicieuse. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça reste quand même une démocratie, parce que c'est quand même... Il est élu pour un quinquennat, donc... Oui, on n'est pas dans une dictature, faut pas exagérer non plus. Faut pas oublier... Mais il écoute aucun syndicat. Non, mais quelque part, je ne dis pas qu'il a tort ou il a raison, ce n'est pas ça que je veux dire, mais il veut changer des lois pour améliorer le déficit commercial, le déficit qu'a la France. Bon, il cherche tous les moyens. Peut-être que ce n'est pas la meilleure solution, c'est sûr, mais au moins, il fait quelque chose. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, la SNCF n'est pas dans une optique d'être dissoute. Elle est dans une optique, par rapport à sa réforme, d'être mise en concurrence. Donc privatiser progressivement avec d'autres compagnies ferroviaires qui existent déjà d'ailleurs, parce que Thalys, Eurostar, mais en mettre peut-être plus, qui proposeront des prix différents et des prestations différentes avec des rames TGV aux couleurs de la compagnie et qui rouleront sur le réseau ferré de France. C'est sur Paris-Strasbourg, ça sera la même ligne à grande vitesse qui sera empruntée puisque nous sommes dans l'Est, mais ça sera avec des TGV qui ne seront pas forcément SNCF. Mmh. C'est un petit peu ça vers ce, enfin c'est vers là qu'on s'achemine dans quelques années. Hein. Pascal. Oui, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que maintenant on va avoir déjà ce qu'il faut savoir, c'est que la situation de monopole était interdite en France, donc la SNCF se trouve en situation de monopole et ça, ce n'est pas légal. Donc ouvrir le marché à d'autres trains, c'est déjà favoriser la concurrence. Et au niveau des tarifs, on aura des trains low cost, un peu comme Foxham les avions, suivant les dates. Ben, on l'a déjà. Avec mais pas tellement dans le Nord. Mais je crois, non, mais enfin le problème de ces TGV low cost, c'est que en fait ils ne vont pas dans les gares finales, c'est-à-dire que si tu veux aller sur Paris, tu pars à Nancy, mais tu arrives à Marne-la-Vallée. Et donc après, c'est tout le bazar pour reprendre RER, machin, pour retourner dans le centre de Paris. Et bon, ils arrivent à faire des coups, évidemment, et ils remettent même des trains classiques sur la ligne, par exemple, sur Paris-Strasbourg, puisqu'on est dans l'Est, ils remettent des trains classiques en corail, sur Paris-Strasbourg, voilà, à des prix de 30 euros, aller, alors tu mets 4 heures au lieu de 1h39, mais tu payes quand même 70% de moins ton aller. Donc ça peut être intéressant quand on n'a pas de moyens. Autant mettre 2 heures de plus, mais tu payes quand même beaucoup moins cher. Donc c'est une régression parce qu'on s'aperçoit que finalement, ces lignes qu'on disait plus rentables parce qu'il y avait ce tout TGV, bah, elles retrouvent une certaine clientèle parce que la vitesse est très chère. Elle se paye très cher. Ouais. Mais il y a quand même une histoire de la SNCF et une histoire, moi, telle que je la connais de ma génération. En 89, dans les petites montagnes, dans les petites vallées, ils ont enlevé ce qu'on appelait la Micheline. Ils ont enlevé Alors maintenant, ils ont remplacé par des bus, ce qui est tout à fait bien. Moi, je sais que je prends le bus, j'en suis satisfaite, à part un peu, comme tu disais, Secundino, les problèmes de carte de réduction. Mmh. L'autre jour, j'ai vu un monsieur africain qui montait, il n'avait pas la bonne carte en fait. Et le conducteur s'énervait, mais il ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Le conducteur a dit, je vais appeler les gendarmes. C'est quand même fou d'appeler les gendarmes pour une carte de réduction. Mais quel rapport avec le fait que tu évoques les lignes secondaires qui ont été supprimées au profit de cars? Il y a tout un tas de choses. Maintenant, je vois, même en 2008, ça fait longtemps, ça fait 10 ans, je prends un billet aller-retour Lyon. Lyon-Épinal. Donc là, on n'est pas dans du secondaire, on est dans des lignes principales. Voilà, donc je prends mon billet, tout, je vais à Lyon, je passe 2 jours à Lyon, puis je resterai bien un jour de plus. Je reste un jour de plus, je vais à la gare le lendemain, je sors mon billet. Ah, mais mademoiselle, il n'est plus valable aujourd'hui, il était valable hier. Attendez pas tout ça en même temps. Quand tu achètes un billet, Félicie, normalement, tu es au courant. Tu dois prendre connaissance, avant d'acheter ton billet, de toutes les clauses qui te lient à ton type de billet. Donc c'est là où, à mon avis, tu as, sans vouloir t'offenser, peut-être omis de regarder les clauses et tu t'es fait avoir tout bonnement. Oui, parce que la SNCF a été dans son raisonnement, dans sa logique. Quand tu achètes un billet, il faut bien regarder, surtout en TGV, regarder les clauses. C'est une réservation. Parce que quand j'étais à Lyon, il me suffisait de prendre un billet d'aller. Je partais à Lyon, puis je rentrais quand je reprenais mon billet. Oui, mais tu as des conditions d'offre à ton billet. Mais alors, au cas où tu as un empêchement, au cas où tu rates ton train, au cas où tu décides de différer ton départ, comme ça a été le cas là. C'était un train où j'étais obligée de prendre l'aller-retour. Mm-hmm. Je ne pouvais. Moi, j'aurais bien voulu prendre l'aller et prendre le retour à Lyon. D'accord. Mais j'ai été obligée de prendre l'aller-retour. Et c'est ça qui me déplaît. Donc juste une réaction de Pascal, puis après j'aimerais entendre Dominique sur les grèves aussi. Tout simplement parce qu'il y a des jours qui sont plus chers que d'autres, et que ton train il était fait pour un jour qui était moins cher, c'était un billet à tarif réduit, et que tu as voulu prendre le train sur un tarif qui était plein tarif. Voilà, je pense que Pascal a raison, parce qu'on se tourne depuis quelques années, surtout avec les RESA TGV, on se tourne vers le principe de l'aéronautique maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des offres de billets sur Internet, tu peux même rouler en première pour des prix, mais cassés. Moi j'avais fait un pari Strasbourg en TGV à 15 euros en première. alors que c'est plus de 100, c'est 105 euros normalement, ou 110 euros. Donc c'est, il y a des illogismes comme ça, mais c'est, il va y avoir 10 000 offres. Alors les gens bondissent dessus, tu as la chance d'avoir une place, et ben là, tu payes quasiment rien. Oui. Mais moi, c'est le principe de l'aéronautique. J'aurais préféré prendre mon billet pour Lyon, ne pas payer, ne pas prendre de retour, et de prendre le retour une fois que j'ai décidé de m'en retourner. Oui, mais ça, bon, parce que tu as pris un billet à tarif réduit. Si tu avais pris un billet à tarif réduit, tu n'aurais pas eu le problème. Non, mais il y a surtout des conditions aussi, voilà, des clauses qu'il faut bien exact, être... Exact, Pascal. Il me semble que c'était ça, c'est une histoire de tarif réduit. Bon, enfin, on ne va pas, voilà, voilà. Non, mais ce qui se passe, Pascal, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils fonctionnent comme les avions. Maintenant, ils essayent de remplir les trains. Donc, un train qui n'est pas rempli, il va avoir des places qui vont être pas chères. Donc, c'est ce que je disais. Oui. On risque d'avoir des tarifs très réduits parce qu'il faut qu'ils remplissent la rame. Alors, Dominique, on voudrait avoir aussi ton avis. Tu n'étais pas trop exprimé. Les grèves, ça a le mérite de relier les gens, enfin de faire une solidarité entre eux. Il y a, enfin. Je suis mitigé quand même. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une tradition gréviste en France. Il y a beaucoup de gens qui sont pour. Heureusement, encore, je dis. Oui. Non. Mais après, oui, après, je suis d'accord avec Dominique. Tu parles des grèves en général, c'était ça, pas ça propre à la SNCF. Non, moi, j'aimerais avoir ton avis plus sur un petit peu l'avenir de la SNCF. Est-ce que toi, tu utilises les trains? Est-ce que tu est-ce que c'est un transport que tu utilises dans ta vie? Voilà. J'ai utilisé plus avant, maintenant j'ai une voiture. Donc... D'accord. Donc tu te déplaces plus en automobile. Mais moi, donc tu vas te limiter à 80 si tu ne roules pas sur les autoroutes à partir du 1er juillet. Mais moi, je trouve ça, Dominique, c'est un bon esprit que tu as. C'est vrai que les grèves, ça fédère. Et il n'y a pas que la SNCF, là, il va y avoir les hôpitaux. Pour sauver les hôpitaux de France qui sont en danger dans les petites bourgades, comme Remiremont d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, le 7 et le 8, il y a une manifestation qui s'approche et il y a une conférence au centre Gilbert Zog. Et c'est vrai que tout ça, c'est fédérateur, c'est solidaire. Ouais, mais là, on voit par exemple dans le cas de la SNCF, la France, on voit dans le cas de la SNCF, là, des grèves depuis 3 mois. Que le gouvernement n'a pas plié. Donc le but d'une grève, c'était quand même que le peuple, effectivement, se mette en travers et mette face la pression jusqu'à ce qu'il y ait pas forcément un abandon de la réforme, mais en tout cas, peut-être revoir certaines clauses de la réforme par rapport à leur... parce qu'il faut encore savoir que les cheminots, ils ont la prime charbon. La prime charbon, alors que la vapeur en France a quand même disparu depuis 1974. Hein, puisqu'il faut savoir que nous, on a roulé au charbon, à la traction charbon, malgré qu'il y avait déjà l'électricité dans les années 50, avec les records, mais qui n'était pas étendue, parce qu'on avait le charbon, aussi les mines de charbon, donc on utilisait beaucoup le charbon, alors que l'électrification existe depuis les années 20, comme en Suisse, par exemple. Et la vapeur, c'était plus écolo. La vapeur était très, très tardive en France. C'est plus écolo. Donc la prime charbon, elle n'a plus lieu d'être aujourd'hui, 40 ans après. Ouais. Et il la touche encore. Donc c'est compliqué. Excuse-moi, Pascal. J'ai un petit truc à vas-y, changer. Vas-y, elle dit que la vapeur, c'est écolo. Mais la vapeur, elle est chauffée avec quoi? L'eau, elle est chauffée avec quoi? Avec du charbon. Je me pose la question. Donc, si l'eau est chauffée avec du charbon, le charbon, c'est pas bon pour la... C'est le charbon qui chauffe l'eau, la vapeur, en fait. Bah oui. Tout ce qui est charbon, c'est pas écolo. Attendez, pas tout en même temps. Je vais juste expliquer rapidement le principe d'une machine à vapeur, mais pas forcément que dans le ferroviaire. Une machine à vapeur tout court. Les premiers paquebots transatlantiques, par exemple, étaient aussi... Non, ça, c'est différent. Ils ne fonctionnent pas au charbon, les cafetières. Mais je parle, par exemple, des premiers transatlantiques, comme par exemple le Titanic, fonctionnaient avec des moteurs à vapeur. Parce que ce n'est plus le cas pour les paquebots actuels de croisière, maintenant. D'accord? Bon. Donc, c'est simple. Le charbon, c'est un matériau qui s'enflamme et qui génère une énergie, une chaleur. On fait chauffer de l'eau. Après, tu as un système de piston qui comprime qui transforme l'eau en chaleur puisqu'elle chauffe, et ensuite la vapeur devient de l'air comprimé qu'on fait circuler dans des pistons. Ces pistons, on les relie à des bielles, et les bielles transmettent aux roues un système d'arbre à cam qui entraîne les roues en rotation et qui fait avancer l'engin. Je résume, parce que c'est plus compliqué que ça. Mais le charbon, il y a quand même un effondrement aujourd'hui minier. Le pétrole, en fait. Non, je te parle de charbon. il y a quand même un effondrement minier au niveau, il n'y a plus, pratiquement plus, voire plus d'activité de mais il y avait des voitures qui roulaient au charbon. Ça, j'ai un doute. Non. Si, si, si, ouais, mais c'est différent. Part, c'est différent. Ouais. On se servait des gaz enrichis, des gaz pauvres du charbon pour faire tourner les moteurs. Ouais. Mais ça, c'est pas encore procédé. Pareil, c'est pas la même chose. Mais ce qu'il faut savoir, Pascal, après Segundino. On dit que les Chinois, par exemple, la Chine est un pays qui est très polluant parce qu'ils chauffent encore au charbon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le charbon, ça pollue. La fumée de charbon, c'est très polluant. C'est toxique. C'est leur plus gros polluant, d'ailleurs. Oui, bah, complètement. Tu veux dire, pour tous ceux qui travaillent dans les milieux toxiques, depuis je ne sais pas quelle année, on donnait une prime de lait. Le patron donnait une prime de lait pour la désintoxication. Il y a du dégazage. Tu vois, ce qu'on appelait les coups de grisou chez les mineurs, tout explosait parce qu'il y avait des poches de gaz quand ils creusaient. Mais ils c'était une catastrophe. Ils avaient un oiseau, un petit serin comme oiseau dans une cage pour voir si Il y a eu des drames quand même. Hein. Si l'oiseau était mort, c'est qu'il fallait qu'il dégage, que c'était toxique. Moi, j'ai eu une de mes personnes proches qui a eu des trucs, des risques toxiques. Et, la personne s'est protégée en achetant un coin de terre à aller tous les dimanches pour s'aérer, s'oxygéner, parce qu'il serait peut-être mort beaucoup plus tôt, quoi. Pascal ? Si, j'ai une chose à t'expliquer. Le coin de terre, il faut savoir où l'acheter. Parce que, par exemple, on pense que dans les Vosges, ici, on a un air sain, mais en fait, on a la pollution de l'Allemagne. Alors, on a un joli coin de terre pollué. Ah, oui. Moi, j'aimerais revenir sur le sujet de Magali. Dominique, tu as soulevé une question où moi, je suis un petit peu dubitatif. Effectivement, on est d'accord sur le fond. Les grèves servent à mettre pression au gouvernement quand le peuple se rebiffe et n'est pas d'accord avec une réforme qui est donc instaurée. Mais est-ce que moi j'aimerais d'une manière plus générale, est-ce que tu trouves pas quand même que la grève en général perd de son efficacité par rapport à quand même des gouvernements là qui se succèdent, de gouvernements ultralibéraux qui sont véritablement qui font passer en force les réformes et finalement n'écoutent pas tant que ça la voix du peuple. Donc est-ce que les grèves ont encore vraiment leur utilité? C'est une question que je vous pose à tous par rapport à ces types de gouvernements et d'hommes politiques qui sont au gouvernement et qui sont au pouvoir et qui sont ultra-libéraux. Et on voit quand même que là, on est dans une démocratie déguisée. Quand même, Moi, je dirais à la guerre comme à la guerre. Je dirais, si ça marche pas, ça marchera pas. Mais si on fait rien, on fait rien. Oui, non. Tu as pas tort. Pascal ? Le problème de la grève... Moi, je vous pose la question. Le problème, quand on fait une grève, c'est de savoir sur qui on fait peser le poids. Là, aujourd'hui, on fait peser le poids sur la SNCF. Et sur quoi ? Donc, on fait peser le poids sur la SNCF. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France va reprendre une partie de la dette de la SNCF. Donc, aujourd'hui, la SNCF fait grève et c'est la France, c'est nous, les contribuables, qui allons rembourser parce qu'eux, ils font grève. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'eux, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de perdre leur boulot parce qu'ils ont des avantages sociaux et c'est justement ces avantages sociaux-là qu'on essaye d'enlever. S'ils avaient peur de perdre le boulot, ils feraient un peu moins grève entre nous. Donc, ils peuvent se permettre de faire grève puisqu'ils n'ont rien à perdre. Je suis assez d'accord. C'est les plus heureux. Au niveau boulot, c'est les mulottis. Pour être fils de cheminot, je vais me faire l'avocat du diable et je te donne raison, Segundino. Il y a quand même des conditions qui sont quand même de protection, qui sont encore quand même relativement... La retraite à 50 ans. Ça dépend de quel poste. Dépend, c'est les conducteurs, il ne faut pas tout amalgamer. Mais c'est vrai, Segundino, ce que tu dis, il y a quand même évidemment des avantages. Des avantages. De toute façon, les personnes qui font grève dans tout ce qui est administratif, dans tout ce qui est fonction, c'est pas pareil que dans des usines où tu es dans le privé, où tu es plus lésé facilement. Mais est-ce que, d'une manière aussi générale, on n'est pas victime quand on n'a pas l'argent, quand on est un peu dans un seuil de pauvreté ou de précarité, sans être à la rue aussi, on n'est pas victime directement, finalement, de la politique? Si. Parce que si on a de l'argent, il peut mettre toutes les réformes qu'il veut, on a du pognon. On s'en fout. On peut vivre, on s'en fout, on a un détachement. Même sans être bourgeois, je parle. Oui, c'est nous qui votons, après il faut voir la palette qu'on nous donne pour choisir. Ça, c'est pas nous qui avons choisi ceux qui seront vraiment à départager pour être élus. On se rend compte quand même que c'est la bourgeoisie qui gouverne depuis des décennies. Je dis pas le contraire. Je vais pas contre, hein, c'est toujours des bourgeois. Toujours les bourgeois, les bourgeois, les bourgeois, et c'est social. Qui soit social. Si on a des bourgeois qui nous écoutent, excusez-nous. Non, mais c'est, on parle au niveau de la condition. C'est pas une attaque vers les bourgeois. En particulier, c'est quand même au gouvernement, c'est quand même des gens. Bon, voilà. Je suis désolé. Même Marine Le Pen, hein. Marine Le Pen, elle vit où, Marine Le Pen ? Dans un château. Oui, mais où ? À Montretout, à Saint-Cloud, qui est la banlieue la plus huppée de Paris, où il y a tous les notables, les pharmaciens, les notaires. Après, on crache pas dessus. Mais bon, c'est bien. Elle a hérité quand même d'un sacré patrimoine. Bon, alors c'est bien de parler des pauvres, de défendre les pauvres, de défendre les petites gens. Voilà, il faut continuer. Je suis désolé, Félicie, c'est quand même de la bourgeoisie, que ce soit les gros partis politiques ou d'opposition. Justement, c'est mon coup de gueule, j'en ai de temps en temps. Moi, je vais revenir sur un vieux truc. C'est pas une histoire de fric, Félicie. On peut venir d'une cité HLM enfant et faire du pognon plus tard parce qu'on a bossé pour. C'est l'exemple de Laurent Ruquier, par exemple. C'est l'exemple Laurent de Ruquier, il était au Havre, il était d'une famille, on va dire, vraiment modeste, avec un père, je crois, qui travaillait sur. Qui était dans la vie marine, quoi. Qui travaillait sur les ports. Bon, et il a réussi, il s'en est sorti. Mais aujourd'hui, il culpabilise. Il est content, il sait que le fric, c'est important aussi pour vivre. Mais il culpabilise de gagner beaucoup d'argent. Parce qu'il n'a pas oublié aussi ses racines. Il est considéré comme un bourgeois dans son statut, mais il n'a pas une mentalité de bourgeois. Mais non, donc pas c'est du plus tout. Compliqué que ça. Alors que Marine Le Pen, elle n'est pas née pauvre. Elle est née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et elle te dit ce qu'il faut faire. Bon, on est d'accord. Et elle te dit ce qu'il faut faire. Et Macron, c'est pas tellement mieux, hein, je veux dire. Et Brigitte Macron non plus. Au secours. Du temps de Coluche, quand il a eu ses 16% de voix, il a été menacé de mort. Et personne n'a rien dit. Et ne s'est opposé aux élus pour lesquels le peuple allait voter. C'est-à-dire, il n'y a pas eu non, de... C'est vrai. Personne n'a moufté. C'est le truc le plus scandaleux que j'ai jamais eu de ma tête. Pascal et Pierre Franck, une pause musicale. Je vais revenir sur plusieurs choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos politiques, en fait, ils ont tous déclaré un certain nombre de biens. La famille Le Pen est une des familles les plus riches de tous les politiques, de toutes les familles qu'on connaît. Par contre, j'ai un coup de gueule au niveau de M. Macron. Bon, on a tous des coups de gueule aujourd'hui. Qui est quand même. Non, mais alors là, c'est phénoménal. Il a dit que les minima sociaux, ça ne servait à rien parce qu'en fait, les gens restaient pauvres. Oui, enfin, moi, je l'ai vu. J'ai vu la vidéo. Oui, c'est à peu près ça, les propos. C'est-à-dire que ça sert à quoi d'investir de l'argent dans l'assistanat ? Parce que les gens, ça ne les sort pas plus de leur pauvreté, en fait. Ah oui, parce que s'ils ne donnent plus rien, ils ne seront pas encore plus pauvres. Bon, moi, je vais oser le dire. De toute façon, on est dans la crétinerie jupitérienne. Voilà, c'est tout. C'est mon point de vue. Ça n'engage que moi. Pascal ? Non, mais genre, on en revient à l'élection de notre cher président. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qui a été élu. Juste, le pognon. Non. Attends, laisse s'il finir, te plaît. Pascal. Oui. Hein, chacun son tour. Oui. Il a été élu, si vous vous souvenez bien, à cause d'une simple raison. C'est qu'il y avait Le Pen qui était pratiquement au premier tour et on avait tous peur que Le Pen arrive. Donc on a tous voté sur un certain point pour que justement on n'avait pas confiance à la gauche. Donc on a voté à droite pour que justement Le Pen ne vienne pas au pouvoir. S'il arrivait au pouvoir, il s'est servi justement de la peur qu'a eu Le Pen. Il ne serait pas forcément au pouvoir si Le Pen, si les gens, justement, les populistes ne le... Mais Macron, il faut lui reconnaître un talent quand même extraordinaire, en dehors de sa jeunesse et puis de son... C'est quand même, il s'est engouffré, il a su flairer les failles de la gauche et la droite, leur effondrement, qu'il s'est engouffré en très peu de temps et que c'est un roi de la com, c'est un roi de la communication. Il a bâti tout son départ, parce que c'est un énarque au départ, il est dans la finance, il n'a pas fait de politique. C'est Hollande qui lui a mis le pied à l'étrier quand il a été ministre des Finances. Mais lui ensuite, il s'est engouffré au niveau de la com, de l'image, et c'est comme ça qu'il a réussi à se faufiler. Mais effectivement, tu as raison de dire aussi qu'il y a eu ce phénomène. J'ai un petit bémol, Hitler aussi, il est arrivé comme ça au pouvoir. Hein. Bah oui. Non, mais ce n'est pas un bémol, c'est vrai. Ouais. Après, toute proportion gardée, bien sûr. Mais je veux dire, voilà, quelque part, ce que j'en ressens au bout d'un an, c'est qu'il déteste les pauvres, quoi. Ah, ben c'est clair. Il a un mépris total pour les classes modestes. Modeste. Et après, il faut pas dégueuler sur les riches non plus, parce que je reprends l'exemple de Ruquier. Il gagne de l'argent, mais il est pas riche au départ. C'est par son travail. Il y en a d'autres qui le méritent. Et il est resté quand même assez, je veux dire, simple. Il nous faut absolument des gens qui sont riches pour pouvoir créer le travail. Parce que c'est pas les pauvres qui vont monter les sociétés, les usines pour faire les boulots. Pour faire les boulots. Pas tous en même temps. Il y a ces nouveaux riches, ces ouvriers qui deviennent patrons, qui bossent avec leurs ouvriers et eux votaient à gauche au départ et votaient à droite par la suite. Mais c'est tout à fait normal. Et même extrême droite. Moi, j'attaque la bourgeoisie qui est installée. C'est normal. Depuis Elle gagne des générations. Elle gagne des voix. Elle gagne des voix de la même façon que Trump, avec le populisme en critiquant, que tout ce qu'on a fait jusque maintenant, c'était de la merde. Mais c'est pas pour ça qu'elle a un programme qui sert à quelque chose. Bah, en tout cas, on peut conclure sur le fait que moi, j'ai entendu le responsable des services voyageurs de la SNCF qui disait qu'il y aurait un maximum de trains de TGV assurés quand même le 6 et le 7, parce que ça sera le pic des grands départs de juillet, pour que les gens puissent partir en vacances. Oui, alors bon, c'est des paroles. Il y aura des TGV au départ. Le problème, c'est est-ce que ton TGV à toi, il sera au départ, quoi. Est-ce qu'il y aura assez pour tout le monde? C'est toujours le même problème. Alors, on va s'écouter notre ami, l'ami, la grande artiste, Zazie Déraille, une chanson que je ne connaissais pas. Je vais la découvrir avec vous. Je suis parti bien à l'heure, j'ai pris le train en direction du cœur. Pas vu le train qu'il mène à grande vitesse. Tu me délaisses, une fille de seconde classe a pris ma place. Chaque fois mon train qui déraille, Eh oui, Zazie Deraille, évidemment, je connaissais, j'ai reconnu tout de suite l'air, autant pour moi. Vous êtes sur Radio Gémozo, nous sommes ensemble dans 90 minutes pour Boomerang avec nos amis Magali, Dominique, Félicie, Segondino, Jean-Baptiste et Pascal à la technique. On parlait en première partie avec Magali qui nous a ouvert l'émission sur les grèves SNCF et toutes les conséquences sur les usagers que ça pouvait entraîner. Et effectivement, ça empiète un petit peu aussi sur le mois de juillet pour l'instant. On entend déjà aussi le mois d'août, voire jusqu'à septembre, mais là on n'a pas d'informations plus sûres pour l'instant. Mais c'est sûr que c'est le problème des grèves, c'est fait pour embêter les usagers, c'est fait pour embêter tout le monde, pour mettre pression sur le gouvernement. On enchaîne avec, oui, peut-être un dernier mot, puis on enchaîne sur Dominique. Dernier mot. Les personnes qui prennent les TER pour aller à Buisson et dans la vallée de la Moselotte ne sont pas lésées parce qu'ils ont l'air de tous fonctionner. Je voulais juste en vitesse répondre à ta question tout à l'heure quand tu évoquais, il y a une trentaine d'années, les lignes secondaires. Il faut savoir que si les lignes secondaires ont été supprimées, les rails retirés et ils ont mis des cars à la place, c'était pour une histoire de rentabilité. Ouais. Parce qu'un coût au kilomètre d'entretien d'un autobus est beaucoup moins cher qu'un coût d'une Micheline sur, au kilomètre sur rail. Mais après, effectivement, il y a aussi eu la politique du tout TGV, de la grande vitesse depuis plus de 30 ans, un peu au détriment du réseau classique et du réseau banlieue aussi, et on voit maintenant tous les problèmes qu'il peut y avoir aussi de vieillissement et puis de problèmes de pâte d'électricité, d'état des voies, de vétusté en général. Voilà. Donc maintenant, la SNCF, en tout cas dans l'avenir, a l'intention de s'orienter vers une modernisation du réseau classique. Je voudrais poser une question. Il me semble qu'il y a d'autres lignes non SNCF qui de bus qui font des trajets pour des trajets réguliers, non ? La SNCF a des prestataires de services sur des compagnies de transport routier, de cars. Effectivement. Hein. Mais bon, après, c'est des politiques intérieures, régionales, locales. Je ne connais pas tout en détail. Bien, on change complètement de sujet. C'est aussi ça le principe de Boomerang, avec l'ami Dominique qui va nous parler de littérature, d'un bouquin qui lui a vraiment plu et qu'elle a envie de nous faire partager. Et l'auteur aussi. Et le titre qui va tout de suite peut-être inspirer nos auditeurs. Moi, ça m'a inspiré. J'ai hâte de découvrir. Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri. Oui, tout un programme. De David Lelay Hello. Alors, Dominique, raconte-nous ce David livre. David Lelay Hello est un jeune auteur de 45 ans. Et à travers ce roman qui est, je pense, un peu autobiographique, il retrace l'histoire d'un enfant qui s'appelle Milou et qui est un peu particulier. Il se sent déjà différent dès les premières années de sa vie. Et un jour, vers l'adolescence, il entend la chanson de Nana Mouskouri, « L'amour en héritage ». Et là, c'est fulgurant. Il tombe amoureux de cette chanson et par du coup même de Nana Mouskouri devient un fan absolu. Il a quel âge le personnage ? Le personnage, il a 12-13 ans. Donc on est loin de la génération de Nana Mouskouri. Oui, donc c'est un peu anachronique. Un enfant de cet âge qui rêve de Nana Mouskouri. C'est par l'intermédiaire de cette chanson qu'il l'a touché avant de savoir qui l'a chanté. Donc il a voulu savoir qui l'a chanté. Un peu plus tard, il se rend à Paris dans un concert de Nana Mouskouri. Il s'était préparé, il a pris le bus. Il vient de la campagne d'un milieu ouvrier. C'est carrément. Qui est quand même la réalité de l'auteur. Oui, mal. Et il la voit en concert, il lui écrit une lettre dithyrambique, qu'il l'adore, que c'est son idole et tout ça. Et puis au cours de sa vie, au cours de son adolescence, il prend des mimiques, et ça lui a ouvert. Il n'est pas devenu travesti chez Michou, hein, c'est plus loin de là. Mais pourquoi pas ? Il n'a pas acheté. Il est devenu professeur de français. Ouais. Et il est devenu ensuite journaliste. Il a interviewé, il a touché son rêve du doigt. Il a rencontré Nana Mouskouri. Il est même devenu un ami intime de Nana Mouskouri. Elle est heureuse. Donc c'est une histoire vraie ? Oui, à travers ce personnage un peu fictif, mais qui est quand même l'auteur, quoi. Et c'est vraiment une personne délicieuse. Tellement j'avais aimé son livre, David Lelay. Il a quel âge ? 45 ans. 45 ans, d'accord. Je lui ai écrit un petit mot sur Facebook, il m'a répondu avec du retard. Et j'ai découvert d'autres livres de lui et on sent vraiment une sensibilité incroyable. Donc tu as eu la même démarche que lui, avec lui. Oui, hein, oui, voilà. Que lui, il a eu avec Nana Mouskouri, c'est oui, génial. Moi, c'est étrange génial. Parce que moi aussi, à 13-14 ans, j'aimais bien Nana Mouskouri. Et il y avait des chansons comme ça qui m'emportaient. Oui, des chansons très... Ouais. Pleine de lyrisme, de sentiments, ça fait une bouffée. C'est comme quand j'ai approché Noir Désir, que j'ai approché Bertrand Cantat, c'était et Jeanne Moreau, c'était un peu un rêve pour moi, enfin que j'avais pas vraiment dessiné, je me fixais pas le rêve là, mais quand l'occasion est venue, j'ai dit waouh, ça y est, je vais voir Jeanne Moreau quoi. Et enfin voilà. Et il y a un truc qui m'est arrivé. Puis Fabienne Cara plus récemment aussi. Ah oui, Fabienne Cara, mais je aussi. Non, j'ai pas eu le. Tu l'as pas. Non, j'y suis pas allée. Mais enfin, moi je me décale un peu d'un truc, mais j'ai écouté un groupe pendant 2010, pendant 25 ans, sans voir leur visage en fait. Mmh. J'achetais des albums, des cassettes et. Et en fait, plus j'achetais les cassettes, moi, je voyais leur visage. Et un jour, j'ai dit, il faut quand même que je vois sur Internet de quoi ils ont l'air. Mais moi, j'aimerais que tu réagisses aussi, sur la chronique, sur l'histoire même, qui est vraiment sympathique et touchante. Ouais, j'ai une question à te poser. En fait, c'est David Lelay-Lor qui est devenu prof et journaliste. Oui. D'accord. Elle l'a dit, Dominique. Vraiment, hein. Oui. C'est vraiment autobiographique. Elle l'a mentionné. Hein. Mais pourquoi Nana Mouskouri en fait il a expliqué pourquoi Il y a des préférences, elle l'a expliqué, Dominique. Ouais, il a écouté sa chanson. Il s'explique pas transporté. Quoi. C'est... Ouais. Il a acheté 400 millions de disques. Elle a un record de vente. Il a acheté 400 millions de disques d'elle, non? Non, mais il a toute la collection, tous les collecteurs, tous les anciens disques. Non, à mon avis, il a 400 millions. C'est un vrai fan, alors. Oui, oui. Et puis, il commence à être connu un peu au niveau de la littérature, et il a écrit aussi Poussière d'homme, parce que sous le biais du roman, quoi, on sent que c'est son histoire aussi. Mmh. Poussière d'homme, c'est l'histoire d'un amour qu'il a eu avec une personne, et cette personne est décédée, et il lui écrit une grande déclaration d'amour posthume, quoi. Enfin, c'est absolument magnifique. Alors, au-delà de l'histoire, qu'est-ce qui t'a poussé à le contacter? C'est parce que tu t'es reconnu, tu t'es projeté dans son parcours, dans cette quête d'un artiste qu'il admirait, qu'il avait envie de rencontrer, en qui il avait envie de dire toute son admiration. Oui, il y en a, c'est les chanteurs, moi c'est plutôt les écrivains. Quand je suis touchée par un texte, j'ai envie de dire à la personne que... Alors tu peux nous révéler des scoops de peut-être d'écrivains ou d'écrivaines que tu as contacté avec qui peut-être t'as aujourd'hui une relation, relation. C'est très pas lapidaire, mais enfin j'ai témoigné de mon admiration pour l'auteur. J'ai contacté aussi Jean-Paul Didier Laurent qui est un auteur qui habite à la Bresse. Mmh. Il a écrit des petits livres sympathiques aussi. Enfin que j'aime beaucoup. Et puis à l'adolescence c'était peut-être plus problématique. J'étais admirative de Cavana. D'accord. Ok. Mais est-ce que toi qui lis énormément, est-ce que tu as déjà eu l'idée ou ça t'a traversé l'esprit ou le projet peut-être un jour d'écrire un ouvrage? De te lancer dans une nouvelle ou un bouquin tu écris déjà? Non. Peut-être. Non, j'aime tellement les mots bien, les formules, les mots des autres. Je me sens pas la carrure d'un écrivain, non. Est-ce que tu as peut-être eu envie, à travers des résidences, de faire des ateliers d'écriture, peut-être, pour peut-être sortir un talent que tu as en toi et que tu ne soupçonnes pas? Pour l'instant, ça reste bloqué. Je me contente de la lecture qui me transporte aussi. Mais tu as déjà pensé, tu as déjà eu rien que l'idée, peut-être, d'envisager d'écrire un roman? Mais de façon très... Ça serait génial, ça, parce que nous, on te connaît, donc du coup, on n'aurait pas trop de mal. Restons modestes, c'est pas parce qu'on commence à faire deux, trois trucs que ça y est, c'est... Mais tu peux toujours écrire pour toi, et peut-être après, si tu te sens l'envie d'en faire publier. Part à des éditeurs, le publier, il faut qu'elle passe par des éditeurs. Oui. Après, il faut le faire lire à des éditeurs. Dominique, je sais pas à toi, mais moi, des fois, j'écris des trucs... J'ai écrit des trucs il y a longtemps, puis je trouve des titres. Ouais, alors, d'une manière, on va faire un tour de table. Magali, qu'est-ce que ça t'inspire, ce qu'évoque à travers le livre notre ami Dominique? C'est rigolo parce qu'il a touché à son but. à son rêve de pouvoir la rencontrer, de l'interviewer par son rôle de journaliste, ça c'est bien ça. Ouais, donc la boucle est bouclée. Puis il est devenu ami, hein, d'après ce que tu dis. Oui, voilà. Voilà, il est heureux, son rêve est réalisé. Tu peux nous parler? Tu connais Nana Mouskouri? C'est pas mon idole. Hein. D'accord, à la base. je pensais que c'était une chanteuse assez classique, réservée variété internationale. À une certaine tranche d'âge, quoi. Mais le fait que ce soit quelqu'un de ma génération qui aime tant, et puis il aime aussi Lynn Renaud. Un petit peu plus âgé, Lynn Renaud. Il a écrit aussi des biographies sur Edith Piaf, sur... Dalida. Oui, il aime bien cette catégorie d'artistes de cette génération. Pascal. Pour revenir à Nana Mouskouri, moi je dirais que c'est une artiste qui ne joue pas la vedette. Comment? C'est une artiste qui ne joue pas la vedette. Oui, c'est vrai qu'il y a une humilité qui se dégage d'elle. Elle se prend pas. On la voit moins, elle a arrêté sa carrière maintenant. Oh, elle chante toujours. Elle ne fait plus de tournées internationales, de galas. Ça fait quelques années qu'elle a arrêté quand même, elle l'avait annoncé. Mais effectivement, elle chante toujours. Mais elle est d'origine grecque. Hein. Je peux raconter une petite anecdote, c'est pas méchant au contraire. Sur Nana Mouskouri? Oui. Vas-y. C'est un cousin de mon papa qui travaillait en Suisse dans la téléphonie. C'était dans les années 90, donc ça commençait à prendre, hein, les portables, etc. Donc le cousin de mon papa se présente à une porte et il faisait du démarchage commercial. Et il arrive chez Nana Mouskouri. Et il a dit, elle était en peignoir, pas maquillée. Enfin, il paraît qu'elle était quand même... pas du tout pareil qu'est-ce qu'elle paraissait à l'écran, quoi. Elle est classique, Elle fait partie de ces artistes, de ces quelques artistes qui ont un look un peu figé dans le temps, comme Mireille Mathieu, c'est-à-dire tu les vois effectivement à travers les décennies avec la même coiffure ou alors avec des lunettes ou une façon de s'habiller au niveau des robes, au niveau des couleurs de robes. Où il y a une patte vraiment qui les démarque d'autres artistes, en fait. Par rapport justement à son style, son look, son agent lui disait qu'il fallait absolument pas qu'elle chante avec les lunettes. Et elle s'est battue pour chanter avec ses lunettes. Elle a eu des lunettes noires par moment, des lunettes d'écailles noires. Après, elles étaient rouges, mais toujours des robes rouges ou des robes sombres, toujours en robe. Elle a eu quand même aussi des tailleurs pantalons, mais toujours très classique. Elle a une spécificité physique, c'est qu'en fait, elle ne chante qu'avec une seule corde vocale. Oui. Mais elle le dit, hein, d'ailleurs, elle l'a toujours. Elle a une anomalie des cordes vocales. On a tous deux cordes vocales. Elle a une super voix, mais juste avec une seule corde vocale, ce qui est encore plus impressionnant. Elle a une voix un peu rauque. Oui. Comme tirer un coup avec une couille. On ne relèvera pas la comparaison de Segundino. Alors, on essaye de parler d'une manière élégante de l'artiste. C'est le drapeau d'humour. Pour dire simplement, c'est vrai que quand on en a... Non, il a voulu dire que quand on en avait qu'une, ça fonctionnait quand même. La comparaison est quand même douteuse. Ceux qui nous écoutent, n'écoutez pas ce que dit Segundino. Toi, tu vas avoir un avertissement. Elle devient plus rachée, toi. Ça fonctionne pas comme mais ça. Mais c'est vrai que un ce peu sont des. Ça fait du bien un peu quand même. Redevenons un petit peu sérieux. C'est vrai que ce sont des. Ah, bah c'est des, toi qui vois. Hein, si des... Ce sont c'est des looks quand vois. Même qui sont restés figés dans le temps. Et quand on les voit peut-être à un moment donné de leur carrière, soit faire une séance photo où elles ont une autre coupe de cheveux. J'avais vu ça pour Mireille Mathieu. On les reconnaît pas parce qu'on les a tellement identifiés à cet aspect, à ce style, à ce look. C'est vrai que les artistes en général changent de look en fonction de leur humeur, de leur époque, de leur album, de leur époque où ils font du cinéma, de tel type de film. Sauf les Daft Punk. Oui, c'est pas la même chose. Non, mais bon, c'est une chanteuse de variété internationale, parce qu'on peut dire ça, un peu au même titre que Mireille Mathieu. Oui, oui. Oui. Mireille Mathieu est dans l'international, elle chante plus beaucoup en France maintenant. Ah, mais de toute façon, il y a des chansons qui font vibrer comme ça, comme ce petit garçon que Nana Mouskouri faisait vibrer. Moi, je sais que c'était Paris de Mireille Mathieu, ça me faisait vibrer aussi. Ah, oui. On a tous des chansons qui nous ont fait vibrer comme ça. Lui, c'est certainement Nana Mouskouri, L'amour en héritage. C'est vrai que c'était un feuilleton, je crois. Oui, c'est lui qui utilisait d'ailleurs la chanson en générique. Effectivement. Non, mais c'est intéressant de voir que la musique peut générer aussi des émotions et des rencontres intergénérationnelles. Et ça, c'est magique d'une certaine manière. Tu voulais peut-être nous ajouter quelque chose sur le livre ? Oui, alors il n'a pas du tout le look de Nana Mouskouri, il a fait de la musculation. Et donc effectivement. Et c'est quelqu'un de costaud, il a une barbe. Voilà. Il n'a pas des cheveux. On est loin de Nana Mouskouri. Oui, donc, il n'a pas les cheveux longs. Non, courts. Pas de lunettes cadres. Non, c'est pas un sexe symbole, mais je chantais, quoi. C'était pas son ambition d'être un sexe symbole au départ non plus. Hein. C'était quand même une belle femme. Faut arrêter de dire. C'était quand même une belle femme. Non. C'était une belle femme. Classe, c'est une belle femme sans être un sexe symbole, oui, parce que ça n'a rien à voir. Elle n'a pas suscité quand même une sensualité au même titre que. Elle était très charmante. Oui, non, mais bien sûr, mais elle n'était pas. Elle cachait son charme, quoi. En tout cas, en tant que personnage public, en tant qu'artiste, elle n'était pas dans il nous montre une photo, Pascal. Il faut savoir, les amis, que Pascal, bien sûr, il est entouré d'ordinateurs et qu'il a tout sous la main, alors que nous, non. Donc, il nous guide. Magali, est-ce que tu as des personnalités comme ça, du showbiz, ou des chanteurs, des acteurs, des actrices, qui te font rêver ou que tu aimerais rencontrer ? Est-ce que tu as un côté... est-ce que tu as des idoles d'une certaine manière ? Ah, j'aime bien certains chanteurs, mais je ne suis pas là au point de dire. Alors, qui ? On veut tout savoir. Oui, qui ? Ton préféré, au moins. Mon préféré, j'aime bien M. Pokora. Ah oui. Tu l'as déjà vu en concert ? Non, déjà je ne l'ai jamais vu. Ouais. Non, mais je l'aime bien, mais je ne suis pas une fanatique à vouloir un autographe, aller à tous ses concerts. Il transmet de bonnes valeurs. Il est travailleur. Oui, parce qu'il respecte les gens. Voilà. C'est pas comme certaines groupies qui font tout pour aller les choper dans leur chambre à la fin du concert. Voilà. Elles y arrivent. Il ne demande pas mieux, de toute façon. Quand tu lis la biographie de Claude François, c'est exactement ça. Il n'y a pas eu que lui, mais ça, c'est ce qui se passait. Johnny, pareil. C'est pour ça que les chanteurs et le mariage, ça fait deux. Pardon ? Tous les groupes, en général, connus, les plus connus internationaux. Ah oui. Ça va d'international ou national, ils ont leur groupie. Hein. Ouais. Moi, j'ai mes idoles, mais c'est un peu gênant parce que. Pourquoi gênant ? Ils sont. J'ai mes idoles. J'écrirais bien à Eddie Vedder, qui est le chanteur de Pearl Jam, mais je ne saurais pas trop quoi lui dire. Puis, je n'arrive pas à faire la démarche. Ah, tu es spontané, tu es humble, tu dis ce que tu ressens. Toi qui es journaliste, ce qui t'inspire dans sa voix, dans sa façon de chanter, dans les textes de ses chansons. J'aimerais bien écrire une pièce de théâtre, en fait. Enfin, il faudrait que je le contacte. Mais lance-toi. Ouais. Mes idoles, c'est Che Guevara, Jim Morrison. Mais là, tu auras du mal à le contacter. En fait, ces idoles, elles sont toutes mortes. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un problème. Mais c'est ça. Disons peut-être que tu idéalises aussi, d'une certaine manière, les stars. Ceux que j'idéalise, c'est quand même Julien Doré, Guillaume Depardieu. Le Che Guevara. Il est mort aussi. Il est mort aussi. Pas tous en même temps. Du symbole de la Révolution au sexe symbole masculin. Moi, si j'y suis touchée, sensible. C'est comme ça. J'y suis sensible, c'est comme ça. Ah, ouais. Elle aime bien les militaires en tenue. Non. Bon, après, Félicie n'est pas un cas isolé pour le Che Guevara. C'était un rebelle. Moi, je trouve que. Ça a été contesté. C'est pas aussi blanc que ça. Il y a eu des biographies qui sont sorties récemment. En fait, il n'a pas été que tout blanc. Je sur toutes les biographies. C'est ça, en fait. D'accord. Les gens qui font une révolution pour faire tomber un pouvoir, s'ils prennent le pouvoir après et qu'ils emploient les mêmes arguments. Il faudrait que je lise un livre sur lui, en fait. Il n'y a aucun livre qui tient debout sur eux deux. C'est vrai ? Ils se sont fait descendre par la CIA, sur tous les sites, tous les bouquins, tout ce qui a pu être sorti, ça a été descendu par la CIA. descendu, fracassé. Bon, en tout cas, on est parti de Nana Mouskouri et de ce jeune. On est parti de Nana Mouskouri et de ce jeune. Tu vas couper la parole. Non, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Je ne suis pas d'accord. Là, je parlais avec Félix. Moi, je te parle de Nana Mouskouri depuis une demi-heure, enfin, depuis 20 minutes avec Dominique. Et puis, on en arrive au tché. Maintenant, on fait un truc sur le tché. Je trouve ça un peu dommage par rapport à Dominique, quand même. Ça casse un peu sa chronique. Les images médiatiques qui sont complètement détruites par des gens d'État. Sous prétexte qu'ils ont raison, d'accord, ils sont un peu durs ils mènent une dictature. Au dire, ils mènent une dictature, mais s'il n'y a pas eux, les autres ne peuvent pas se révolter. Dans ces cas-là, propose-nous une chronique sur le Tché. Alors là, parce que ça a l'air t'inspirer. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Alors attends, t'as Pascal qui est pas d'accord avec toi. Il y a un Indien qui a libéré son pays d'Angleterre et il l'a fait sans aucune violence. Papa Ranoui. C'est qui? Gandhi. Gandhi. Hein? Comment il a fait Gandhi? Ah Gandhi. Ah oui. Gandhi. Ah voilà. Gandhi. Donc il n'avait pas besoin de violence. Mais beaucoup de morts quand même. Non, il se. Le problème avec l'Inde, c'est qu'une fois que l'Angleterre était plus là, il y avait des castes qui se sont fait la guerre entre elles. Mais c'est différent. Indira Gandhi s'est bien fait assassiner. Comme tous ceux qui faisaient vaciller un pouvoir en prenant justement la non-violence. On pouvait pas les attaquer par la loi parce qu'ils n'utilisaient pas la violence. Ils utilisaient la non-violence, donc ils n'avaient qu'un seul choix, de les assassiner. Ça, j'en pense à Luther King, je pense à tous ces gens-là. Mais quand t'es un anti d'un monde, t'es... Ça, c'est le portable de Segundino. C'est pour lui dire, arrête Segundino de t'énerver, de polémiquer. Eh bien, j'en profite. On va s'en faire une deuxième pause musicale. On va s'écouter Nana Mouskouri, puisque c'était quand même l'objet de la chronique de Dominique, et non pas le Tché au départ. Le livre et David Lelé aussi. Voilà. Et de cet écrivain. Et c'est super de nous le faire découvrir, Dominique. Oui. C'est tout à ton honneur. On va s'écouter, L'enfant au tambour de Nana Mouskouri. On se retrouve tout de suite après. L'enfant s'éveille, papa. Voilà, c'était la merveilleuse voix de Nana Mouskouri sur les ondes de Radio Gemozone. Nous sommes toujours ensemble avec toute l'équipe. Magali, Félicie, Dominique, Segundino, Jean-Baptiste et Pascal à la technique pour 90 minutes pour Boomerang. Et on parle tout de suite, on se tourne vers Félicie, l'ami Félicie qui va nous parler. Ah oui. T'as un coup de gueule, enfin un coup de gueule. Ah oui. Il y a des choses qui te déplaisent. Oui, prenons notre temps dans le domaine de la publicité plutôt sur support audiovisuel. Hein. Oui, voilà, c'est plutôt télé et ordinateur. Je suis quand même, c'est pas un coup de gueule, de colère, parce qu'il n'y a pas de quoi se mettre en colère, c'est pas quelque chose qui est dramatique comme le sort de... Des choses qui te déplaisent. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas dramatique comme le sort des enfants en Afrique, etc. Mais bon, faut quand même noter qu'on nous prend un peu pour des imbéciles, hein, parce que je dirais pas tout, je vais pas faire de citation, mais... Je voulais préciser qu'il y a eu un moment à la télévision où la pub a été interdite. Ils ont interdit la publicité. Il y avait des passages, il y avait le générique. Il y avait le générique, la publicité et le générique. C'était le générique de, voilà. de la régie française de publicité. Voilà, donc ils ont enlevé ça. Ils ont dit qu'il n'y aura plus de publicité sur les chaînes, mais ouais. Ils y reviennent. Alors, je ne sais pas comment ils font. C'est des voitures, c'est des médicaments. Enfin, il détourne par tous les moyens. C'est avant une série ou avant un film, il rabâche tout ça, les fenêtres, les vérandas, machin. Alors, on n'en est plus. Pourquoi ils nous ont dit il y a plus de pub à ce moment-là? Pourquoi il y en a à nouveau, quoi? Bon, une première réaction de Pascal. Pour forcément, pourquoi les chaînes mettent de la publicité? À quoi ça leur sert, à ton avis? À gagner de l'argent. À gagner de l'argent. Ils ont combien d'ouvriers? Comment ils les payent? Il faut bien qu'ils gagnent de l'argent. Ou alors, il faut faire un truc associatif, comme Gemozo, c'est une radio associative, mais elle vit sur les subventions. Et il y a une personne qui est salariée. Donc, si tu veux faire travailler des gens, quelque part, il faut faire de la publicité, il faut faire rentrer de l'argent. Donc, elles n'ont pas forcément le choix. Il y a France Télévisions qui avait dit, justement, pas trop de publicité. Mais bon, il faut bien qu'ils gagnent de l'argent. Oui, ils y reviennent par une façon détournée. Non, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'argent est distribué par rapport au nombre de personnes, au nombre de spectateurs, parce qu'ils savent très bien qui regarde quoi. Donc, si ça ne marche pas, il faut que l'argent rentre de toute façon. Mm-hmm. Segundino. D'abord, ils n'avaient jamais dit qu'ils arrêteraient la pub, mais ils avaient dit qu'ils limiteraient le temps, la durée de pub sur chaque canal. Voilà. Ça faut être une durée de, mettons, dans la journée, de 10 ou 15 minutes maxi, ou peut-être moins 10 minutes pour la journée, sur chaque autorisé. Sinon, c'est amende. Mais à mon avis, si cette loi est en vigueur, ils préfèrent payer l'amende et encaisser les gros sous qu'on leur donne. Ah, d'accord. C'est comme pour les handicapés dans une boîte, tu vois. Ouais. Tu es chargé d'avoir un ou deux handicapés dans ta boîte. Tu ne les veux pas parce qu'ils sont pour l'avis d'un patron sur un handicapé, c'est qu'un handicapé, ça ne tient pas la route dans une boîte. Donc, ils préfèrent payer l'amende. C'est le même truc. Mais quel rapport avec le coup de gueule de... Je ne comprends pas ton... Moi, je comprends. Bah si. Non, mais je suis peut-être bête. Je vais me répéter. Ils ont limité, mettons, il y a une année, ils avaient limité à 10 minutes ou 15 minutes de la journée de pub pour la journée. Aujourd'hui, on en a plus. La loi existe toujours, mais ils préfèrent griller la loi, payer l'amende, parce qu'ils doivent payer une amende s'ils dépassent ce temps autorisé, et encaisser des gros... Le gros, ils gagnent largement de quoi payer l'amende, et il en reste encore pour en mettre dans les poches. Oui. Je ne crois pas qu'il y ait de loi qui dise qu'il doit faire 10 ou 15 minutes de publicité. Je crois que c'est interne. C'est interne à chaque chaîne ou à chaque radio. Chacun fait ce qui lui plaît. S'il veut mettre plein de pubs, il met plein de pubs. S'il veut en mettre pas, il en met pas. Chacun fait ce qu'il veut, oui et non. Il n'y a pas de loi. Il y a eu Chacun fait ce qu'il veut, oui et non, Pascal, parce que entre le privé et le public, il y a quand même une différence au niveau de la publicité. Ah bah, oui, c'est certain. Entre TF1 et France 2, Il y a une grande différence entre le privé et le public, c'est que les chaînes privées ne touchent pas les sous de la redevance, que les chaînes publiques touchent les sous de la redevance. Elle est là, la grosse différence. C'est Gondino. Donc les chaînes à l'époque, on avait juste les 6 chaînes et puis Canal+. Oui, mais les chaînes privées ne touchent pas les sous de la redevance. Donc ils sont obligés pour vivre de mettre de la publicité parce qu'ils n'ont aucune redevance. Oui, ils passaient de la pub, ils avaient droit à 10-15 minutes, je ne sais plus, mais eux, ils les dépassaient, ils s'en foutaient. Oui, mais je ne crois pas que ce soit un droit. Ils ont recommencé à les dépasser. Au début, ils respectaient les limitations et ils ont recommencé à les dépasser. Je ne crois pas que ce soit un droit. Si. Moi, je suis un peu d'accord avec Segundino. C'est une loi qui était imposée, moi, je m'en rappelle. Il y a quoi, 15 ans à peu près de ça, hein, parce que les programmes commençaient à 20h55, 21h, enfin c'était de plus en plus tard à cause de la pub. Voilà. Ils avaient tout reculé à 20h35 parce qu'il n'y avait plus de pub. Voilà. Et c'est vrai que d'année en année, ça a insidieusement recommencé à réapparaître. Dans les années début 80, le film. Je suis assez d'accord. Dans les années 80, le film commençait à 20h30. Il a commencé à déborder à 20h35, 20h40, 20h45. Ça atteint 21h05. 21h05. Et aujourd'hui, sur la 10, je ne sais plus c'est quoi, TMC. Il commence à 21h10. C'est comme la C8. Ben, Jean-Baptiste, c'est tes paroles qui résument ce que je voulais dire. Depuis que ça a été interdit, ça a recommencé insidieusement. Voilà. Et alors, c'est des parrainages d'enfants, des choses en plus qui sont pas. C'est pas des produits. Ils font pas des publicités. Oui, enfin, c'est quand même des campagnes plus ou moins publicitaires. Oui, voilà. C'est des flashs. Non, puis il y a des choses. Faut arrêter. Je veux dire, il y a une publicité. C'est du playback. C'est pour un dentifrice. Hein. Mm-hmm. On regarde le visuel. On entend les paroles, on détecte au moins 3-4 secondes de playback de différence entre la parole et ce qu'on voit. On nous prend pour des imbéciles. C'est pareil, les médicaments, c'est des trucs... alors, faut pas les prendre avant 15 ans, c'est pas pour les femmes enceintes, alors qui peut les prendre? Donc là, après, on touche à un autre sujet par rapport à ce que tu évoquais en première partie de ta chronique et ce que disait Segundino dans son explication. Là, tu es plutôt dans la nature et le sujet et la manière dont sont traités les produits ou en tout cas l'orientation de la pub en elle-même dans sa communication, plus que dans sa programmation. Oui, voilà. Donc tu aurais aussi un coup de gueule en plus de la programmation et de l'envahissement à être aussi dans la façon dont on présente une publicité sur un sujet, quoi. Oui, parce qu'il y a des Les doigts qui se lèvent, Pascal. Ouais. Alors moi, je suis allé sur Internet justement pour voir s'il y avait une loi qui interdisait un temps de publicité. En fait, il n'y a aucune loi. Par contre, le CSA, il contrôle ça. Alors, je vais vous lire le texte. Le CSA contrôle le temps d'antenne consacré à la programmation de messages publicitaires et intervient auprès des chaînes en cas de dépassement de la durée maximale de publicité fixée par les conventions et les cahiers d'émissions et des charges des opérateurs. Donc, ça n'a rien à voir avec l'État. C'est par rapport aux opérateurs. C'est les chaînes, c'est des conventions internes aux chaînes. Non, mais c'est bien de le préciser. Peut-être, mais c'est un truc qui est respecté. Autrement, il y a amende. Mais il y a quand même une chose qu'on constate, je suis d'accord avec Segundino. Il y a amende du CSA. À partir du moment où il se convention, il y a une amende. Du CSA. Peut-être, mais il y a une régression de nouveau depuis quelques années quand même. On repart vers des programmes qui démarrent de nouveau de plus en plus tard. Bah, oui. Il a raison, Segundino, quand même, Pascal. Et donc la loi, elle est à loi. Donc, c'est pas respecté, même si c'est des conventions internes. La loi sur la TNT, c'est-à-dire ce qu'on les regarde maintenant, est limitée à 9 minutes par heure en moyenne quotidienne sur l'ensemble des périodes de programmation. 9 minutes par heure. 9 minutes par heure, c'est énorme. Voilà, là la loi. Et puis il y a aussi un autre problème qu'on n'a pas soulevé, c'est que tout est saucissonné, même pendant le programme. Et ça, c'est pénible. Quand tu regardes un film, c'est coupé 3 fois par de la publicité. Oui. Et donc ça casse complètement l'émotionnel, le fait qu'on rentre dans une histoire, qu'on est. Et ça dénature vraiment. C'est pas sur toutes les chaînes. Dans la porte, t'as la pub qui arrive. Mais je dirais que sur Internet, parce qu'on n'a pas trop parlé du support Internet, où la publicité est quand même de plus en plus envahissante. Oui, aussi. Et il y a exactement le même problème où ça coupe. D'ailleurs, tu regardes, quand tu regardes la ligne de lecture, tu vois des petits points jaunes. Donc, tu sais que là, c'est des spots. Alors, il y en a que tu peux contrôler. Ben, vous le savez, de toute façon, on le sait, qu'on peut contrôler au bout de 4-5 secondes. Et puis, il y en a d'autres, il faut laisser passer les 35 secondes ou la minute. Mais c'est pénible. C'est une manière intrusive, toujours. Mais en même temps, Pascal a raison aussi. C'est ce qui permet aussi le financement. Et c'est ce qui permet. C'est un cercle vicieux. Et c'est ce ce qui permet que vous pouviez regarder. Ben voilà. C'est ce qui permet que vous pouvez regarder ou jouer à des jeux gratuitement. Aussi. Voilà. C'est vrai. Parce que si rien n'est gratuit, donc tout ce que vous regardez sur Internet gratuitement, c'est parce qu'il y a de la publicité qui est derrière, qui fait rentrer l'argent. Moi, ça m'intéresse sinon, pas les jeux. Sinon, s'il n'y a plus de publicité, ça veut dire que tout ce que tu vas chercher sur Internet sera des sites payants. Moi, ça ne m'intéresse pas, les jeux. Non, mais il n'y a pas, que les jeux. Et d'ailleurs, les sites payants sont en train de s'étendre. Donc, voilà. Tu ne veux pas de pub, mais tu paieras. Oui, mais enfin, bon, il y avait quand même des publicités qui étaient jolies. Je ne veux pas... Alors là, tu parles plus de la nature, de la manière dont on présentait les produits. Bah, c'est intéressant. Maintenant, tu pourrais peut-être... On présente des médicaments, des choses qui sont même dangereuses. Un médicament, ça peut être dangereux. On n'achète pas un médicament comme on achète Coco de Chanel. Il y a toujours des publicités de produits parapharmaceutiques. Mais enfin... Ils font des tests pendant Attends, tu sais combien de temps ils testent un médicament avant de le mettre en vente en France? Je crois que c'est 10 ans. J'allais dire 10 ans. Ouais. Hein 10 ans, de protocole. Alors, faut arrêter de dire un peu n'importe quoi aussi. Oui, mais bon, on a eu aussi des belles publicités. Je me souviens, la bouteille d'eau qui tournait sur le disque là, je veux pas dire qui c'est puisqu'on doit pas dire qui c'est. Oui, bah après il y a eu Mère Denis pour les lessives et les marques, la marque, une célèbre marque d'électroménager. Maintenant je trouve c'est pauvre comme Je ne suis pas du tout d'accord. Pas tous en même temps. Je ne suis pas du tout d'accord. Les publicités aujourd'hui, elles deviennent un peu comme les publicités anglaises. Elles deviennent humoristiques. On n'a jamais eu aujourd'hui les pubs, c'est quand même autre chose qu'il y a 30 ans où un homo lave plus blanc que blanc. Arrête un peu les publicités. Ouais. Aujourd'hui, ça vaut le coup. Il y a quand même des publicités qui sont. Il y a quand même des pubs qui sont abrutissantes, hein, quand même, encore. On prend vraiment le consommateur pour un plouc. Ah oui, voilà. Ça marche. Le but d'une publicité, c'est d'accrocher instantanément. Mais je suis désolé, oui, bien sûr. Mais ça marche qu'envers les ploucs, je suis désolé. Si ça t'embête, c'est que t'es une plouc, alors. J'aurais pas dû dire ça. C'est comme ma mère. Mais non, parce que moi, j'achète pas ce qu'ils me proposent. Il faut que je l'achète. Ce qu'ils me proposent comme publicité, je l'achète pas. Moi, je marche pas. Ça te pose quand même un cas de conscience. Non. Magali, on n'entend pas beaucoup Magali. Elle est obligée. Elle est obligée. Pardon, merci. Elle est obligée de pousser sa voix pour dire quelque chose. Magali, on t'écoute. Je voulais dire, des fois, les pubs, ça fait accrocher les gens. Parce que des fois, ma mère, elle regarde la pub et elle me dit « Oh, ça, c'est bien pour faire le ménage, ça lève bien l'étage. » Mais je lui dis « C'est une pub. Fait pour faire t'accrocher, pour faire acheter. » Alors moi, quand j'étais petit, je raconte pas ma vie, mais quand j'étais petit, j'aimais bien la pub Saint-Marc. On va dire la marque, Saint-Marc Ménage, parce que moi j'imaginais qu'il y aurait le petit ange qui viendrait me dire bonjour. Le petit angelot. J'avais été déçu quand j'avais vu qu'il y avait un petit ange. Comme l'ours Cajoline. Il était mignon ce petit angelot avec son pain des Landes. Il existe toujours. Hein. Oui. Il a été modernisé dans son graphisme, puis maintenant il est en image de synthèse. Mais... Alors il y a une façon, la pub a une façon, juste avant un film, là, tu vois, t'as envie de rigoler aussi, toi. Non, mais parce que je viens de me rendre compte de ce que je viens de raconter. Il y a une façon qu'ils ont de présenter une pub juste avant un film, c'est juste avant votre film, hop, ils te sortent le cliché. Votre fiction, ils te sortent le cliché. Et puis tu dis, tu auras le film, encore une. Ouais, c'est horrible. Juste avant votre fiction. Ouais. Il y en a trois comme ça. Ouais, bientôt 4, bientôt 5, bientôt 10. Mais ça tape sur les nerfs, moi, ça me tape sur les nerfs. Mais parce qu'il y a aussi eu la disparition depuis quelques années des speakerines et de certains speakers, mais surtout des speakerines légendaires. Ouais. Voilà, Pierre Bellemare qui est mort. Il y avait des Il n'était pas speaker, lui, il n'a jamais été. Il n'a jamais été speakerine. Il fait partie de l'histoire de télé. Lui, tu mélanges tout. Lui, il fait partie de l'histoire de télé. Et je crois qu'il a été speaker. Tu vois, tu te fous de ma gueule. Non, je ne me fous pas de toi, c'est pas ça. Mais je crois pas qu'il a été. Il était dans. Il a créé des jeux, des choses. Il a tout fait dans la télé. Oui, mais il n'a pas. Il s'est peut-être occupé de speakerine, mais. Non, mais je sais pas, on pense à Jacqueline Huet, Denis Fabre, dans le désordre. Je trouve que Jacqueline Joubert, tout ça. Tu parles sur vraiment savoir, parce que moi, il me semble que quand j'ai vu qu'il parlait de lui qui était mort, c'était un grand monsieur de la télé. Oui, il n'y a pas très longtemps j'ai d'ailleurs. Ce qu'il a fait. Ouais. Il me semble qu'il a été l'un des premiers speakers. Moi, je sais qu'il a. Il a créé des jeux, il a créé beaucoup de choses. Hein. C'était un des derniers piliers de la télé, de l'histoire de la télé. Ils sont tous morts. Bon, il y a peut-être Drucker encore. Qui a raconté ses histoires de crime. Ah, c'est surtout ça. Pierre Bellemare est quand même relativement connu pour cette voix exceptionnelle dans ses narrations d'histoire et la manière dont il mettait ses histoires en scène. Et je crois qu'il en a raconté plus de 4000 hein, en plus de 20 ans. Moi, je sais que j'aimais beaucoup l'écouter. Et on peut les retrouver, hein, je crois que ça va être édité en coffret. Et puis, il a créé aussi, il a amené des États-Unis le télé-shopping aussi. Ah oui. Que son fils ensuite a repris haut la main et présente. Non, mais il a fait beaucoup de jeux aussi, La tête et les jambes, par exemple, qui est un jeu assez connu. Il a fait plein de choses, et puis il a fait de la radio aussi, bien sûr. Mais c'est bien de lui rendre hommage, c'est vrai que c'est un grand monsieur hein, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Il a commencé au moment du cinéma parlant. Mais il a fait plutôt une carrière quand même télévisuelle, il est plutôt né avec la télévision. Il est de la génération de Zitrone, de tous ces gens-là, Robert Chapat, Coudert. De l'avant même. Non, il est de cette génération-là. Drucker est un petit peu le fils Drucker, de tous ces après, gens-là. Drucker, oui, mais il a quand même 75 ans. Mais il est le plus ancien maintenant à la télévision, celui qui dure depuis plus longtemps. Mais il était quand même le fils spirituel de tous ces hommes-là, qui ne sont plus là. C'est un des derniers de la fameuse rue Cognac-G à Paris. Hein. Voilà. Donc, pour en revenir sur tes publicités, donc tu estimais aussi qu'on traitait les publicités d'une manière beaucoup plus... faudrait que tu redises un petit peu, développer. Oui. J'aimerais que tu développes un peu le support, comment toi tu trouves qu'il a évolué par rapport il y a 20 ans ou 25 ans en arrière quand tu voyais des publicités. Bah, quand je voyais des publicités il y a 20 ans en arrière, il y en a que je supportais pas, il y en a d'autres que je trouvais toutes belles, comme Vanessa Paradis sur sa balançoire. Je ne cite pas de nom, hein. La pub de l'eau minérale qui tourne sur le disque, les planètes qui tournent, je trouvais il y avait encore des jolies pubs. Mais maintenant, le dauphin blanc. Comme tu dis, toi, ou quoi? Oui, dit Oum le dauphin blanc, t'aimais pas? Oum le dauphin blanc. Non, je sais pas, mais comme tu dis, c'est Kundino. Qu'est-ce que tu disais que je sentais vrai? C'est avant votre fiction, ceci. Ouais, alors, voilà. Ouais. Et ensuite, avant votre fiction, cela. Avant votre fiction, avec si, avec les matelas si, avec les barbecues tels. Ouais. Oh non, c'est épuisant, ça me tape sur les nerfs. Je vais te donner un conseil. Arrête de regarder la télévision. Ouais. Je vais te donner un conseil. Je n'ai pas la télévision. Ah bah oui. C'est mais encore moi, comme ça, tu seras tranquille. Tu auras plus de publicité. Je regarde souvent sur l'ordinateur parce que je vois les programmes, ce qu'il y a en fait. Oui, mais l'ordinateur, Internet, la grosse différence avec l'objet télévision, c'est que la télévision, tu peux sélectionner tes chaînes, effectivement, bah après, ça dépend des chaînes que tu as, mais tu as quand même des programmes qui sont imposés avec des horaires imposés, tandis que sur Internet, si tu te balades sur l'outil Internet, il y a tellement maintenant de choses en replay ou en rediffusion, et même des reportages ou des vidéos sur n'importe quoi, sur plein de sujets différents, que tu peux te faire ton programme. Et oui, c'est oui. vrai que. Mais c'est ce que je fais sur moi, l'ordi. J'y trouve plus mon compte aujourd'hui oui, que par rapport à la télé. Mais même sur l'ordi, avant une fiction, des fois, il y a des pubs et quand je me fais à manger, alors je suis là, ça va commencer, ça commence pas, j'ai le temps de faire les pâtes, c'est pas cuit, Après, pourquoi ils font ce système de 3 spots publicitaires avant qu'on te lance ton programme que tu veux absolument regarder? Parce qu'on sait très bien que les gens, c'est manichéen, c'est le propre de la publicité, c'est d'être manichéen à la base. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait que comme la personne, le téléspectateur veut regarder son programme, ben forcément, il va regarder sans forcément se concentrer, mais il regardera quand même les spots là. Et comme on va en mettre 3 et que lui veut son programme qui sera après, on le tient en haleine. Et pendant ce temps là, même inconsciemment, subliminalement, il retient quand même un truc. Et sur la probabilité de gens qui vont regarder, il y en a qui iront acheter le lendemain ou dans la journée le produit. Ah bah, oui. Voilà, c'est tout. C'est fait pour ça, la publicité. Oui, alors, à toi, tu peux après avoir une nature, un caractère de résistance à moi, ça. Tout à fait. Et de ne pas tomber dans le site. Moi, j'ai très peu acheté de produits en fonction des publicités. Moi aussi. Mais on est quand même plus ou moins influencé par l'esthétique de la publicité, la manière dont c'est présenté. C'est fait pour attirer l'attention. La télé, elle te dit comment t'habiller, comment penser. Alors, c'est bien. On a quelques minutes, et c'est intéressant, Dominique, que tu lances sur ce sujet-là. Oui, enfin. La télévision donneuse de leçons. Oui, si on est esclave de la télévision, il nous disent exactement comment il faut vivre. Comment il faut élever ses enfants, oui. Comment il faut décorer oui. sa maison, comment il faut manger, comment il faut se soigner. Comment tu regardes toutes ces émissions à la con, t'es mal barré. Je dirais pas qu'elles sont à la con, si je peux me permettre. Con, alors pourquoi? Non, mais c'est intéressant. Parce que ça veut formater les gens. Il y a toujours ce mode de formatage. Mais ça peut aussi avoir un travail d'information. Le travail d'information, je nie pas. Je nie pas. Par exemple, mais les TOC. Faut vraiment que ce soit le message d'information. Mmh. Mais comme le magazine de la santé, par exemple, il peut très bien aussi mettre à jour des maladies comportementales qui étaient tabous il y a encore 20 ans, 25 ans en arrière, et que ce magazine-là peut mettre en avant même d'autres types d'émissions. C'est l'un des plus intéressants magazines qui passe à la télé. Hein. Et puis l'effet de société aussi. C'est-à-dire l'évolution des mœurs dans une société aussi. Si on en parle avec des spécialistes, des invités, des gens qui sont concernés directement, ça peut aussi peut-être permettre une ouverture d'esprit parce qu'on informe les gens et les gens sont moins méfiants parce qu'ils comprennent peut-être mieux à travers ce type d'émission. Donc c'est pas forcément, elles sont pas toutes connes. Mais je pense que toi, Dominique, tu parles plus des émissions un peu manichéennes où c'est les petits flashs, les petits conseils qui durent un quart d'heure, 20 minutes, où on dit faut manger. Oui, c'est ça. Sur le principe, je suis pas contre, mais bon, ça te dit quand même. Enfin, peut-être pour certaines personnes, c'est une fenêtre aussi. C'est vrai. Sur l'extérieur, malheureusement. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'évoque Dominique, Pascal? Moi, je pense que la pub, c'est sûr. Moi, je suis pas contre la pub. Une chose qui est dommage avec la pub, c'est qu'elle crée un besoin et qu'elle montre aux gens ce qu'ils n'ont pas. Et ce qui est des fois qu'ils ne peuvent pas se payer. Une voiture, elle crée un besoin. Elle crée surtout un besoin. Surtout chez les enfants, entre eux, je vois les publicités au niveau des vêtements, au niveau de tout ça. Donc là, c'est sûr que la pub, elle crée du mal. Mais autrement, moi, je trouve que la pub, elle sert à quelque chose, sinon elle n'existerait pas. Et pour prolonger ton opinion, ton regard là-dessus, est-ce que tu penses que. Enfin, est-ce que vous pensez d'ailleurs autour de la table que. On est dans une période, dans une société de consommation à outrance, depuis les 30 Glorieuses, et ça continue, c'est de pire en pire. Est-ce que vous pensez justement qu'on est en train de créer plein de choses, mais qui sont peut-être inutiles, mais qui deviennent finalement vitales? Oui. Par la force des choses, parce qu'on nous plonge finalement dans un système de vie, de société, où on ne peut plus se passer de toutes ces choses qu'on crée, dont on crée le besoin. Elles ne sont plus finalement facultatives, elles deviennent vitales, presque, entre guillemets. Je grossis le trait pour... On nous farcit de pub, Alors, il y a un tri à faire. La pub qui ne pollue pas. On peut s'appuyer sur une pub, qui va dans un bon sens, pour l'écologie. C'est ce qu'on fait en ce moment pour les voitures. Oui, qui est constructive. Pour les voitures. Il y a un changement de ce côté-là. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire, on est d'accord. Pascal ? Non, tu as raison sur le fait que ça devient vital d'aller dans l'évolution. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu veux regarder une télévision, tu es obligé de passer à l'écran HD parce que, justement, c'est passé à la TNT. Donc, on est obligé de suivre l'évolution. Il te supprime le procédé ancien. Donc, automatiquement, si tu veux avoir une télé, tu es obligé d'avoir le produit qui est sur le marché. C'est vrai. Et ça, dans beaucoup de domaines. Bah oui. Donc, c'est pour forcer à l'achat, d'une certaine manière. Parce que sinon, comme tu dis, Pascal, on est à out, quoi, au bout d'un moment. Bah, mais après, on peut aussi ne pas toujours être à fond dans un rythme de société. Dieu merci. On revient au vinyle. Bientôt, le CD à la poubelle. Je pense pas que le CD disparaîtra, parce que tu regarderas que les progrès techniques ou l'amélioration technique, elle ne régresse pas. Mais il y a aussi, je crois, en ce moment, une perte de repère générale depuis quelques années qui nous amène à une certaine nostalgie. Moi, je peux faire partie de cette catégorie de gens. Et cette certaine nostalgie n'a pas été anodine à certains observateurs sociologues qui, justement, ont médiatisé le fait de peut-être retrouver, remettre en vigueur, sous une forme peut-être plus actuelle, des anciens procédés pour cultiver cette nostalgie, parce qu'il y a un marché, il y a un marché demandeur. Voilà. En Pascal. Fait, que ça soit le CD ou que ce soit le vinyle. Mais est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit, Pascal ? Il nous fait des gestes depuis tout à l'heure. Écoutons-nous parler. Que ça soit le CD ou que ce soit le vinyle, ça restera des niches. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on supprime le support. On va acheter directement sur Internet. Le support n'existe plus. Que ce soit vinyle ou CD, ça reste des niches pour une certaine personne, pour certains nostalgiques. Voilà. Pour des collectionneurs. Des personnes nostalgiques ou les collectionneurs ou qui ne savent pas comment se servir. Oui, mais ça reste une niche. Ça reste une niche. Oui, mais tu regardes, le vintage se développe beaucoup et prend un essor de plus en plus parce qu'il y a une demande. Il y a une demande quand même de la part des gens. C'est une histoire de performance, qui te diront les amateurs. aujourd'hui, au niveau de l'électricité, on passe à des ampoules à LED, mais il y a encore des gens qui aiment bien avoir les ampoules à incandescence. Il y a toujours une niche qui reste. Oui, je pense qu'un procédé ne disparaît pas complètement, ou il reste encore quelques années en parallèle avec des nouveaux procédés. Ils ne savent pas comment acheter des LED ou elles sont trop chères en magasin. Mais oui, mais moi, je me trouve confrontée dans certains matériels modernes sans savoir comment m'en servir, en fait. Mais tu n'as pas... Je l'avoue, et pourtant, je ne suis pas une nostalgique. Tu disais que c'était des nostalgiques ou des collectionneurs. Moi, je me sens un peu collectionneuse et... Pas nostalgique, mais collectionneuse, et je ne sais pas m'en servir. Si on prend l'exemple du disque, il y a des personnes, moi j'en connais, j'en fais partie, qui préfèrent avoir un son avec un saphir sur un disque vinyle, même si ce n'est pas un son aussi parfait qu'un son CD avec laser, ou même maintenant encore des procédés encore plus récents. Parce qu'il y a le côté, ça crépite, il y a un charme. Il faut aussi savoir qu'une pochette vinyle, c'était un objet aussi en soi de collection. Pour le disque, la pochette, il y avait une décoration. C'était vraiment un objet de collection. C'est quelque chose, tactilement parlant, qui est complètement différent qu'un coffret CD, quoi. Mais après, les deux existent. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'artistes maintenant qui font éditer leurs CD par leur maison de disques en CD et en version vinyle aussi. Mais c'est des versions neuves, bien sûr, actuelles. Enfin bon, je voulais rajouter, pour finir ma chronique, j'ai lu La nausée de Sartre, c'est peut-être pas pareil, mais en fait, toute cette publicité, ça me donne la nausée. Des fois, j'ai vraiment des effets de nausée. Mais t'as encore l'endroit de tourner ton bouton et de ne plus la regarder. Oui, exactement. Voilà, on est d'accord. Ah oui, s'il y a de la pub, tu touches. Alors, on va se faire une dernière pause musicale et puis on se fera au revoir après, tout de suite. On va s'écouter Tonton David, Chacun sa route. Dire que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dire que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Levé à 7h du mat, t'es déjà en retard. Ton patron va encore te brasser. Tu t'habilles direct, tu prendras ta douce ce soir. Tu finis de lasser tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté. Ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion. Je dois être le fou, comme je ne suis pas cavalier. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Le peuple était au pouvoir. Il n'y avait plus du tout de politiciens. C'était le soupe, le bambi des magasins. Tout le monde avait un droit et plus personne n'avait faim. Mais je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Oh, oh, oh, oh, oh. Mais je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Allez leur dire qu'on vient pas faire du cirque. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et ça donne chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et ça donne, passe le message à ton voisin. Et ça donne. Je me souviens des amis avec qui j'ai grandi. Ce sentiment d'être exclu nous rendait solidaires. Chacun prit son train quand les années passèrent. À chacun son move, à chacun sa galère. Les chemins où tu ris sont les mêmes que ceux où tu pleures. La vie est une aventure, il ne faut pas avoir peur. Mais te souviens-tu des amis que tu as eu question? Te souviens-tu de ce que tu as perdu? Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et ça donne, passe le message à ton voisin. Et ça donne, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et ça donne, passe le message à ton voisin. Et ça donne, passe le message à ton voisin. Passe le message à ton voisin. Passe le message à ton voisin. Voilà, passe ton message à ton voisin, chacun sa route avec tonton David. Il est temps pour nous de rendre l'antenne de 90 pour Momerang. On pourrait écouter cette émission lundi à partir de 9h et en rediffusion sur notre site internet. Restez sur le 107.0, les programmes continuent. On se dit au revoir à tous et à la prochaine. Bisous à tous. Oui, bisous, bisous. Au revoir. Mi corazón, mi corazón. San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Salvador.